chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. Profitez du prix employé jusqu'au 2 octobre sur le F-150. De plus, profitez d'un rabais de 1 000 $ supplémentaires si vous êtes membre Costco. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford souligne l'importance d'acheter localement pour soutenir notre économie. Vous avez eu connaissance en fin de semaine que pour la première fois, il y avait deux matchs en concours entre les Canucks de Los Angeles, les Canucks de Vancouver et les Kings de Los Angeles qui se déroulaient en Chine. Et ce que vous avez aperçu, c'est Justin Saint-Pierre d'Albanel, l'arbitre, qui arbitrait les deux parties. Question de savoir un peu comment il a trouvé son expérience en Chine. On le rejoint. Salut, Justin. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Justin, comment tu as trouvé ton expérience arbitrée en Chine? Ça a été une belle expérience. C'est quelque chose que c'était le fun à vivre, mais comme je disais un petit peu, c'est pour. J'irai pas en Chine à toutes les semaines. Là. Ça fait un décalage horaire, puis ça a été rough là-dessus, mais ça a été une belle expérience pour moi. OK. Dis-moi, parle-moi maintenant. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'ambiance qui régnait là-bas? Je pense qu'à Shanghai, il y avait 10 000 personnes. J'ai pas vu pour Pékin. Les Chinois, c'était la foule qui était là-bas, c'était-tu des Chinois ou c'était des Nord-Américains qui étaient installés en Chine? C'était quoi un peu la foule? Il y avait des Chinois, il y avait beaucoup de monde de Nord-Américains aussi. Il y avait beaucoup de gilets des Kings puis des Canucks, mais je pense qu'il y avait plus de monde à Shanghai, plus de Chinois à Shanghai qu'à Pékin. Mais à Pékin, je pense qu'il y avait beaucoup plus de Nord-Américains, mais à Shanghai, je pense que... Parce qu'il n'y a jamais eu d'hockey à Shanghai. Je pense que c'est la première fois qu'il faisait une patinoire au Mercedes-Benz Arena qui appelle, là. Je pense que c'est la première game d'hockey qu'il y avait, là. Ça fait qu'il y avait plus de Chinois un petit peu. OK, je sais, si on parlait un peu de l'ambiance, est-ce que c'était un peuple qui était quand même connaisseur? C'était-tu un peuple qui avait des bonnes mises en échec, qui applaudissait, qui avait des buts? C'était quoi, un petit peu? Quel genre de gens qui étaient là? Je pense qu'il y avait plus d'applaudissements quand il y avait des mises en échec. Ah oui, quand il y avait des buts, ça applaudissait un peu, mais c'est complètement différent qu'avec le Nord-Américain. Le Nord-Américain, il y a des mises en échec, ça applaudit. Il y a des buts, c'est les criards dans les arénas, les trompettes, ouais. Whatever, comment t'appelles, mais je pense qu'il y a plus d'ambiance au Nord-Américain, mais c'était quand même possible pour une première expérience. OK, la qualité de la glace, c'était quoi? C'est pas si pire. On a eu de la misère à Pékin, on a eu de la misère avec les pins, les pins des buts, là, quand okay. Les buts se déplacent, là. Il fallait qu'à tous les fois, on arrêtait le jeu à cause que le but était déplacé, tout ça. Mais la qualité de la glace, c'était pas si pire. Parce que c'est le gars qui fait la glace au Staples Center à Los Angeles. Ah, OK. C'est rendu pour ces deux games-là. C'est lui qui s'occupait de la patinoire, ouais. Parce que toi, t'as pas eu l'occasion, de ce que je disais dans le quotidien, t'as pas eu l'occasion beaucoup de visiter, hein. C'était un voyage vraiment rapido presto, là. Tu sais, le décalage horaire, t'arrives là. T'es arrivé quand, d'abord? T'es arrivé le mercredi, je pense? Non, on est arrivé le lundi, c'était 3h30. On est arrivé à 3h30 à Shanghai en avion. Après ça, le temps de se rendre à l'hôtel, il était 6h30, 7h15. OK. Fait que le soir, on n'a rien fait. Le lendemain, c'est 12 heures de décalage. On avait fait, ça a pris 24 heures d'avion se rendre là. Moi, d'ici, j'ai parti de Bagotville. Fait que ça a été plus là un petit peu. Fait que le lendemain, je pense que je me suis couché 4 fois dans la journée. Et fait, je me suis couché une couple de fois. Puis le mercredi, on a fait un temps d'aller visiter un petit peu la ville. On marche ouais. Des marques et tout ça, mais le jeu était première partie. Puis le vendredi matin, on a parti pour Pékin. On est allé visiter la muraille de Chine le vendredi après-midi. Puis après ça, on s'est allé à l'hôtel à Pékin au Marriott. Puis le lendemain après-midi à 3h30, c'était la game. Ça s'est passé. C'était un voyage assez vite. OK. Ouais. La Ligue nationale a fait ça pour vendre un peu les produits dérivés parce que c'est un marché immense, la Chine. Penses-tu qu'à court ou moins, à moyen ou long terme, ils peuvent avoir, la Ligue nationale peut vendre un petit peu le produit en Chine? Oh, écoute, pour vendre le produit, je suis sûr, mais pour je sais pas, pour les équipes, pour mettre une équipe en Chine, là, je crois. Non, pas pour mettre, mais pour vendre. Mais pour vendre les produits, vendre des casquettes. Je pense que ça peut. Je pense que sûr, sûrement. Je pense que je verrais pas pourquoi pas. Puis je pense que le hockey, plus on était en Chine, puis il en parlait que le hockey, ça allait. Probablement que ça allait grossir, là. Et à un moment donné, en Chine. Je pense que ça va aider avec en mettant les games demain, je pense que ça va aider la population de la Chine à comprendre le hockey un petit peu aussi. OK. Prêt pour une autre saison, Justin, j'imagine? Oui, on décolle. J'arbitre à Québec demain soir, vendredi à Montréal, puis on décolle la saison à New York le 7 puis le 8. Fait que oui, je suis prêt à décoller. Là. OK. Donc, imagine quoi? C'est quoi la première ronde, la deuxième ronde, ton objectif cette année? Ah, écoute, on va faire ça au jour le jour. On va savoir ça à la fin de l'année. Je me mets pas de pression. Si ça arrive, ça arrive. Puis comme je dis, je mets ça au jour le jour, partie par partie. Puis okay. On va voir à la fin de l'année comment ça va. Hey, juste en terminant, comment tu trouvais ça arbitré à Delbeau, un match junior? Parce qu'on a fait une petite entrevue, c'était avant le match. Comment tu as trouvé ça, ton expérience? C'est vraiment revenir aux sources dans ton cas. Là. Comment, avec une belle petite foule, ça devait être agréable? Ben oui, c'est super le fun. Comme je dis, je viens du lac, je viens d'Albanel. J'ai fait mon hockey mineur à Beau-Normandin. J'ai commencé à arbitrer là. C'était tout le temps le fun de retourner chez nous. Puis comme je dis, super bon monde au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y en a beaucoup qui m'ont donné au hockey. C'est là que j'ai commencé mon hockey. Puis c'est le fun de leur donner aux autres aussi. Là. Ça fait toujours plaisir de retourner. Puis donner ce qu'on s'est fait donner. Ben, un gros merci, Justin, pour le plaisir de se reparler et de te suivre. Ça me fait plaisir, merci. Bonne journée. Justin Saint-Pierre d'Albanel qui a arbitré en Chine le match entre les Kings de Los Angeles et les Canucks de Vancouver. Merci, Justin.